Ah, ok. Ici, ils se plaignent de nos comportements, mais nos cœurs saignent lorsqu'on reçoit des avis d'expulsion dans nos appartements. Les policiers font plus que leur travail. Ici, t'es trop suspect si t'écoutes du rap, du R&B ou du rail. La plus grosse arme est dans les urnes. Mais moi, je vous jure qu'on les aura tous à l'usure. Mais oui, on aime l'argent comme vous, monsieur Chirac. Soyons sincères, ne pensez-vous pas que Sarkozy, c'est la plus grosse arnaque? Ma religion est salie de jour en jour dans le monde entier. Les gens ont peur des musulmans, car on compare des lieux de terrorisme à nos mosquées. Suspect, si t'es des quartiers nord, contrôlé si t'es sur le vieux port, mais interpellé si t'as un nom musulman sur le passeport. Alors ce soir, je dédicace à tous les blancs, à tous les blacks, à tous les beurs. Serrons-nous les coudes et même l'enfoiré Jean-Marie Le Pen aura peur. Moi c'est Lorenzo, un jeune rappeur du sud. Préparation de l'album, préparation de la première lutte. Pour la jeunesse de ce pays, celle qu'on n'écoute plus. La France en arc-en-ciel, ça les intéresse plus. Lorenzo, Lorenzo.